C'est sur ces rives du Méchassebé que Chactas, un vieil Indien, raconte sa jeunesse à René, jeune Français qui s'est exilé dans les forêts voisines après une vie douloureuse. Après avoir été recueilli et élevé par l'Espagnol Lopez, le jeune Chactas, à 20 ans, reprend sa vie solitaire dans les bois. Capturé par des Indiens, il est condamné à être brûlé. Mais une nuit, la fille du chef, Atala, qui s'était prise du captif, le délivre et tous deux se réfugient dans la savane. Une idylle dans la savane. Atala me fit un manteau avec la seconde écorce du frêne, car j'étais presque nu. Elle me broda des mocassins de peau d'ora musquée, avec du poil de porc-épic. Je prenais soin à mon tour de sa parure. Tantôt, je lui mettais sur la tête une couronne de ces mauves bleues que nous trouvions sur notre route dans des cimetières indiens abandonnés. Tantôt, je lui faisais des colliers avec des graines rouges d'azaléa. Et puis, je me prenais à sourire en contemplant sa merveilleuse beauté. Quand nous rencontrions un fleuve, nous le passions sur un radeau ou à la nage. Atala appuyait une de ses mains sur mon épaule et, comme de signes voyageurs, nous traversions ces ondes solitaires. Souvent, dans les grandes chaleurs du jour, nous cherchions un abri sous les mousses des cèdres. Presque tous les arbres de la Floride, en particulier le cèdre et le chêne vert, sont couverts d'une mousse blanche qui descend de leurs rameaux jusqu'à terre. Quand, la nuit, au clair de lune, vous apercevez, sur la nudité d'une savane, une nieuse isolée, revêtue de cette draperie, vous croiriez voir un fantôme, traînant après lui ses longs voiles. La scène n'est pas moins pittoresque au grand jour, car une foule de papillons, de mouches brillantes, de colibris, de perruches vertes, de jets d'azur, vient s'accrocher à ces mousses, qui produisent alors l'effet d'une tapisserie en laine blanche, où l'ouvrier européen aurait brodé des insectes et des oiseaux éclatants. C'était dans ces riantes hôtelleries, préparées par le grand esprit, que nous nous reposions à l'ombre. Lorsque les vents descendaient du ciel, pour balancer ce grand cèdre, que le château aérien, bâti sur ses branches, allait flottant avec les oiseaux et les voyageurs endormis sous ses abris, que mille soupirs sortaient des corridors et des voûtes du mobile édifice, jamais les merveilles de l'ancien monde n'ont approché de ce monument du désert. Chaque soir, nous allumions un grand feu et nous bâtissions la hutte du voyage avec une écorce élevée sur 4 piquets. Si j'avais tué une daine sauvage, un ramier, un faisan des bois, nous le suspendions, devant le chêne embrasé, au bout d'une gaule plantée en terre, et nous abandonnions au vent le soin de tourner la proie du chasseur. Nous mangeions des mousses, appelées tripes de roche, des écorces sucrées de bouleau, et des pommes de mai, qui ont le goût de la pêche et de la framboise. Le noyer noir, l'érable, le sumac fournissaient le vin à notre table. Quelquefois, j'allais chercher parmi les roseaux une plante dont la fleur, allongée en cornée, contenait un verre de la plus pure rosée. Nous bénissions la Providence qui, sur la faible tige d'une fleur, avait placé cette source limpide au milieu des marais corrompus, comme elle a mis l'espérance au fond des cœurs ulcérés par le chagrin, comme elle a fait jaillir la vertu du sein des misères de la vie. Hélas, je découvris bientôt que je m'étais trompé sur le calme apparent d'Atala. À mesure que nous avancions, elle devenait triste. Souvent, elle tressaillait, sans cause, et tournait précipitamment la tête. Je la surprenais, attachant sur moi un regard passionné, qu'elle reportait vers le ciel, avec une profonde mélancolie. Ce qui m'effrayait surtout, était un secret, une pensée cachée au fond de son âme, que j'entrevoyais dans ses yeux. Toujours m'attirant et me repoussant, ranimant et détruisant mes espérances, quand je croyais avoir fait un peu de chemin dans son cœur, je me retrouvais au même point.